duel. Fais toi pas de soucis, je suis Patrick Mabille. Depuis ma première mijère, toujours envie de dire. Tu sais qu'il y a pas de 10, ouais, fais l'opé à ta vingtaine. Ils filment des vagues, et on roule des gommes. Weekend, j'suis au studio, point dans ce bâtard, femme des bombes. Fais pas la loque sans ta daronne, c'est pas tes brouilles. Demande à Noma, demande à Aaron, y'a beaucoup de petites pauvres. Oh la quoi, pas trop loin pour toi, vas-y prends le taco. Toi des fois là qui jacques, t'inquiète, j'vais les mettre d'accord. Si t'es le sang, j'te donnerai la dernière du braco. Si t'es une pute, j'te donnerai même pas le mégot. Oh la quoi, pas trop loin pour toi, vas-y prends le taco. Toi des fois là qui jacques, t'inquiète, j'vais les mettre d'accord. Si t'es le sang, j'te donnerai la dernière du braco. Si t'es le sang, j'te donnerai la dernière du braco. Enlève ta poussée de ma bouche. Baisse ta baby, j'mets la danse. Suis mon flow, suis ma cadence. Rasta man d'ordius. Totalement dans le juice. You see, you see. J'débarque et talons sous mon flow, te bonhomme de donner le juice. Viens chez Osama sur FIFA, tu sais qu'il va te donner le juice. La manie, la manière de manie, tu sais qu'on va te donner le juice. 40 degrés, il fait chaud. Tu sais qu'il faut que tu prennes le juice. Faut que tu prennes le juice. Faut que tu prennes le juice. Faut que tu chopes le juice. T'en es dans le juice. Attends, arrête la pousse. Ma caca, tout ça, tous les plugs. Ma caca, tout ça, tous les plugs. Faut que tu prennes le juice. La danse qui mit tous se divertigo. Ah, j'ai dit, j'ai prévenu, va voir vers tes gars. Pose ton gun, j'te tac la vers ton gun. J'suis long, son, mais pas un gun. J'suis pas magicien, mais j'ai la baguette. Minimal, non, normal, limite, j'arrive. Je sais. Sort de la bonne école, le copie-colle. Vu comme icône, eux se déguisent comme un comic-con. Non, moi c'est flex, j'démasse ses fesses, une grosse folle. Allez, monte dans le fer, viré dans le fer, j'ai frite sur le roche. J'ai mis la ligne dans le cup, ce qui me ralentit le corps quand on arrive dans le club. C'est pété, on seul, c'est pété, on se barre, les flex, ça repart. Nina est coquette, les mets tous ok, chargé comme un meuf. Un problème cette meuf, un problème cette meuf. J'ai le truc qui tue, j'ai le truc qui tabasse. J'ai pour prendre ta place, tout concert j'ai passe. Face à la foule font patte, fou face, font pas que c'est full contact. Sur la voie pour prod, je ne fais pas de propre, comme GB je rôde. Son cœur je dérobe, j'attire des roses qui veulent des roses. Je les fiche, je le pose, maintenant je le mixe, les sens sont minces. Le style est mixte, comme Eddie se mixe.